بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را. Voici un livre que nous t'avons révélé afin que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière et que tu les guides par la volonté de leur Seigneur sur la voie d'Allah, le Tout-Puissant, le digne de louange. Allah, الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Allah est le maître souverain de tout ce qui est dans les cieux et de tout ce qui est sur terre. Malheur à ceux qui ne croient pas en lui, un tourment terrible les attend. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà, qui détournent les hommes de la voie droite d'Allah, lui préférant des chemins tortueux, ceux-là vont loin dans leur égarement. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Nous n'avons envoyé aucun messager qui ne s'exprime dans la langue des siens pour leur exposer plus clairement son message. À Allah de laisser se perdre qui il veut, ou bien de guider qui il veut. Il est le Tout-Puissant et le Sage. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Nous avons envoyé Moussa, muni de nos signes en lui ordonnant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. Rappelle-leur les journées mémorables d'Allah. Il y a là des signes pour tout homme toujours constant et reconnaissant. » وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Moussa dit à son peuple: rappelez-vous les bienfaits d'Allah envers vous. Il vous a délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient les pires supplices, égorgeant vos garçons tout en épargnant vos filles. C'était là une dure épreuve de votre Seigneur. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Rappelez-vous lorsque votre Seigneur vous a bien prévenu: si vous me rendez grâce, j'accroîtrai vos faveurs, mais si vous me reniez, mon châtiment sera très fort. وَقَالَ مُوسَى إِنْ تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Moussa leur dit encore, que vous soyez ou non mécréants, vous et tous ceux qui peuplent la terre, Allah se suffit bien, il est digne de louange. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. N'avez-vous pas reçu les récits concernant ceux qui ont vécu avant vous, le peuple de Nuh, les Ad, les Thamoud et d'autres peuples après eux que seul Allah connaît? Tous ont reçu leurs messagers munis de preuves évidentes, mais à chaque fois, ils portaient la main à la bouche en s'écriant « Nous ne croyons point à votre mission et nous sommes dans un doute troublant à propos de votre appel ». قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا Les messagers répondaient, comment peut-on douter d'Allah, lui qui a créé les cieux et la terre, qui vous convie à sa voix pour effacer nombre de vos péchés et vous laisser en vie jusqu'au terme fixé? Les mécréants répliquaient, vous n'êtes que des mortels comme nous, et vous voulez nous détourner de ce que nos pères adoraient. Produisez-nous donc une preuve décisive. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Oui, répliquaient les messagers d'Allah. Nous ne sommes que des mortels comme vous, mais Allah accorde ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient pas de vous apporter des preuves sans l'assentiment d'Allah. Que tous les croyants s'en remettent à lui. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Comment pourrions-nous ne pas nous fier à lui alors qu'il a bien éclairé notre chemin? Nous supporterons avec patience les offenses que vous nous infligez. Que ceux qui cherchent des appuis s'appuient donc sur Allah. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Les mécréants disaient alors à leurs messagers: Nous sommes décidés à vous expulser de notre pays, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Alors le Seigneur révélait aux prophètes: Je ferai périr les injustes. Je vous établirai dans le pays après eux. Telle est la récompense de ceux qui redoutent la comparution devant moi et qui craignent mes menaces. Les prophètes imploraient l'arbitrage d'Allah et c'était à chaque fois la défaite de tout tyran obstiné. La Jehen l'attend, où il sera abreuvé d'une eau fétide. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Qu'il aura à absorber par gorgée, éprouvant beaucoup de peine à l'avaler. La mort l'assaillira de toutes parts sans qu'il ne soit achevé. Un dur châtiment est à son attente. أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Les œuvres de ceux qui ne croient pas au Seigneur sont comme de la cendre que le vent emporte par un jour de tempête. Ils ne peuvent rien obtenir de tout ce qu'ils avaient fait. Quel égarement total est le leur. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhhibkum wa yati bi khalqin jadid. N'as-tu pas vu, ô toi humain, qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une raison juste? S'il le voulait, il vous ferait disparaître et créerait un nouveau monde. Pour Allah, ce n'est pas là une œuvre difficile. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Tous les humains comparaîtront devant Allah. Les faibles diront aux superbes: nous n'avons fait que vous suivre. Pourriez-nous nous épargner le châtiment d'Allah, tant soit peu? Les puissants répondront: si Allah nous avait bien guidés, nous vous aurions alors sauvés. Que nous soyons épouvantés ou résignés, cela revient au même. Aucune issue ne s'offre à nous. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Lorsque le sort en sera jeté, Shaytan leur dira: Allah vous a fait une promesse de vérité, et moi je vous en ai fait une à laquelle j'ai failli. Je n'avais d'ailleurs aucune autorité sur vous, seulement je vous ai invité à me suivre et vous avez accepté. Vous n'avez pas à me blâmer, ne vous en prenez qu'à vous-même. Je ne peux point vous secourir et vous ne pouvez point me porter secours. Je renie ce que vous avez auparavant fait de moi un associé d'Allah. En vérité, les criminels seront voués à un douloureux tourment. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Quant à ceux qui croient en Allah seul et qui font le bien, ils seront admis dans les jardins du paradis, baignés de ruisseaux, où ils vivront immortels par la volonté du Seigneur qui les accueillera par le salut. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. N'as-tu pas vu comme Allah vous propose cette parabole? Une bonne parole est comparable à un bon arbre dont les racines sont solidement implantées dans la terre et dont les rameaux remontent vers le ciel. Qui produit des fruits à chaque saison avec la permission de son Seigneur. Ainsi Allah propose-t-il des paraboles aux hommes en vue de les faire réfléchir? Tandis qu'une mauvaise parole est comparable à un mauvais arbre, déraciné de la terre, toujours vacillant. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Par les bonnes paroles, Allah rendra ferme les cœurs des croyants dans la vie d'ici-bas et dans l'autre. Il fera perdre les coupables. Allah fera ce qu'il voudra. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. N'as-tu pas vu le cas de ceux qui ont payé d'ingratitude les bienfaits d'Allah ? Ils ont installé leur peuple dans la demeure de la perdition. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. La Jehan, où ils seront enfournés. Quel horrible séjour! Ils avaient forgé de prétendus égaux à Allah pour détourner autrui de sa voix. Dis-leur, jouissez de cette vie éphémère. Votre ultime destination est le feu. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. Dis à mes serviteurs qui croient en moi d'observer l'accomplissement de la prière et de faire l'aumône des biens que nous leur avons accordés, en secret ou en public, avant l'avènement d'un jour où il n'y aura ni transaction, ni amitié complice. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a fait tomber du ciel une eau avec laquelle il produit des fruits pour votre nourriture. Il a soumis pour vous des vaisseaux qui voguent sur les eaux par son ordre et a mis les cours d'eau à votre service. Pour vous, il a créé aussi le soleil et la lune, assujettis à une rotation invariable, comme il a créé pour votre commodité la nuit et le jour. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. De tout ce que vous lui avez demandé, il vous a donné. Si vous cherchiez à énumérer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez en faire l'inventaire. En vérité, l'homme est par nature injuste et ingrat. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Rappelle-toi lorsque Ibrahim implora ainsi: Ô Seigneur, fais de ce lieu un sanctuaire sûr, préserve-moi et mes fils de l'adoration des idoles. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Seigneur, ces divinités ont égaré tant d'hommes. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. Rabbana inni askantu min ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée aride auprès de ta demeure sacrée pour qu'ils soient, Seigneur, assidus à la prière, fais en sorte que des cœurs d'autres hommes soient attirés vers eux, veuille leur procurer des produits de la terre pour qu'ils te rendent grâce. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Seigneur, tu sais bien tout ce que nous dissimulons ou divulguons, car il n'est rien sur terre ou dans le ciel qui soit caché à Allah. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'u ad-du'a. Allah soit loué. C'est lui qui m'a donné Ismaïl et Ishaq, malgré mon âge avancé. En vérité, Allah entend si bien les suppliques. Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Seigneur, fais que je sois assidu à la prière ainsi que ma postérité. Seigneur, veuille bien exaucer mes vœux. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour du jugement dernier. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Ne pense pas qu'Allah soit indifférent à ce que les coupables commettent. Ils retardent seulement leurs sanctions jusqu'au jour où ils comparaîtront, les yeux hagards d'épouvante. Ils afflueront, les cous tendus, les regards figés et les cœurs vides. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Dis aux hommes de prendre garde à ce jour où le châtiment les frappera, où les criminels diront: Ô Seigneur, Accorde-nous un bref délai pour répondre à ton appel et suivre les messagers d'Allah. » Il leur sera dit, « N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne quitteriez jamais les tombes ?» وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. N'avez-vous pas occupé les demeures de ceux qui ont vécu avant vous et qui étaient coupables envers eux-mêmes? N'avez-vous pas constaté ce que nous leur avons fait subir? Pourtant, nous vous avons cité tant d'exemples. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Voilà qu'ils trament leurs intrigues. Allah entend bien cerner leurs manœuvres. Ils n'ébranleront jamais les montagnes. فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَابٌ. Ne pense surtout pas qu'Allah puisse faillir à sa promesse envers ses messagers. Il est le Tout-Puissant, le Maître de la Vengeance. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Le jour où la terre sera transformée en autre chose que la terre, il en sera de même des cieux, et où les hommes comparaîtront devant l'unique, le dominateur absolu. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Tu verras ce jour-là les criminels enchaînés dans les carcans. سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. Le corps couvert de goudron, le visage envahi par le feu. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ainsi Allah rétribue-t-il toute âme pour ce qu'elle a accompli. Allah est si prompt à faire à chacun son compte. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Voilà le message adressé aux hommes pour qu'ils en soient bien avertis, qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et pour que les hommes intelligents en soient bien conscients.